La compréhension des conséquences. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personne ne veut pas sortir à soir ou elle veut pas venir jouer avec moi ou des choses comme ça. C'est tout. Elle a le droit. Elle a totalement le droit. L'homme qui dit à sa femme, bon, viens, on va aller faire des cochonneries dans le lit. Si sa femme, elle veut pas, au lieu de dire j'ai mal à la tête, elle peut dire aussi j'ai pas le goût. Et dans une relation normale, la femme devra finir dans le lit. Dans une relation écologique, il n'y a plus rien à faire. Hein? C'est simple. L'humain doit apprendre à se respecter. Se respecter veut dire laisser être l'autre comme l'autre est. Ça veut dire que lorsque ton fils, ta fille arrive à la maison avec les cheveux teints en bleu ou en vert, au nom de l'amour, tu ne lui dis pas que c'est pas comme ça qu'il faut qu'il se fasse, qu'il va se faire haïr, qu'il va se faire nuire. Finalement, il va découvrir que tu as totalement raison dans tout ce que tu lui dis puis que la seule personne qui exprime ça, c'est toi. Un peu comme de temps en temps, tu dirais, prenez l'exemple d'un enfant qui se promène, un enfant de 9-10 ans qui se promène la nuit vers 23h, 24h, 1h du matin sur la rue. Un homme ou une femme passe, puis il se dit, crime dangereux, un enfant, c'est toujours sur la rue. Moi, il donne une leçon. Il saute dessus, puis il l'attaque, puis il l'agresse. Pour lui faire peur, pour plus oui, qu'il pour plus jamais qu'il se promène la nuit. Ouais. Sauf que finalement, l'enfant aura appris de faire attention la nuit parce qu'il y a des individus qui donnent des leçons. Parce que peut-être que jamais ça lui serait arrivé, sauf avec cette cave ou cette cave-là qui lui aura donné une leçon. Et au nom de l'éducation, à un moment donné, on en fait plein de choses. L'amour intelligent, c'est un amour qui fait qu'on n'aime pas conditionnellement. Autrement dit, je ne dirais pas, par exemple, à une amie, tu devrais te maquiller de temps en temps. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites, hey, tu devrais de temps en temps te mettre un crayon dans le nez. Tu sais, ça. Ou tu devrais te changer tes lunettes. Je peux changer mes lunettes. Ben oui, je n'aime pas tes lunettes. Mets-les pas. Mais on est toujours en train de s'intercaler dans la vie de l'autre, on appelle ça des compromis, des promesses de con, comme je dis souvent, pour transformer l'autre en fonction de notre besoin. Si on aime d'un amour intelligent, donc d'un amour qui de toute façon va cesser de faire en sorte qu'on va perdre de l'énergie, on va être capable de s'aimer, de s'amuser. Mais pour s'aimer d'un amour intelligent, il y a certaines choses qui sont essentielles. La première, on l'a vu, c'était d'être transparent. Transparent avec soi-même. Si on passe notre vie à se mentir, on ne peut pas s'approcher d'un être humain qui est capable d'amour intelligent. On ne peut pas. Si on ne peut pas être transparent avec soi-même, on ne peut certainement pas être transparent avec les autres. Avec personne, on est fait. Transparent avec soi-même, ça veut simplement dire d'être capable d'accepter les choses, de voir les problèmes que nous avons. Comme par exemple, vous avez besoin que votre femme ou que votre mari porte tel ou tel vêtement lorsque vous sortez. Bon, parce que sinon, il est mal habillé, sinon, il n'est pas sortable, sinon, ça n'a pas d'allure, sinon, etc. C'est extrêmement subjectif. Vous êtes en train de risquer un bonheur d'une sortie pour des vêtements. On a vu qu'il y a une partie de notre ego qui se nourrit de l'onde de forme, de l'apparence des autres en fonction de l'habitude qu'il a de les voir comme ça. Donc, pour nourrir une petite partie de notre être-té, on va souvent risquer d'énergiser une partie de ce que nous sommes dans la réalité puis de ce qui peut évoluer, de ce qui peut avancer, de ce qui est capable de vivre le bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas une émotion. C'est une qualité d'expression instantanée. D'ailleurs, l'amour réel, ce n'est même pas une émotion non plus, c'est un sentiment. Dans l'exemple que tu donnes là, la transparence avec soi-même, je parle dans l'exemple que tu donnes, c'est l'homme qui exige un vêtement particulier. Ou la femme qui l'exige de l'homme. Disons qu'on le prend comme ça. L'homme, pour être transparent avec lui-même, dans cet exemple-là, il doit faire quoi? Bien, l'homme, il doit simplement se rendre compte que si la femme lui dit, par exemple, ça ne te regarde pas ce que je vais mettre ce soir, c'est avec moi que tu sors ou avec mon linge. Si l'homme est transparent avec lui-même, il va simplement se rendre compte que là, il est en train, avec son propos, de démolir une soirée. Facile de dire, ben oui, mais crime, t'as un caméra, t'as fermé ta grande boîte, on va être correct. Si l'individu évolue le moindrement, il va sentir qu'on paye son espace vital. Ça ne peut pas se faire, c'est un viol. Déjà que l'homme souvent viole la femme physiquement, mais la femme et l'homme se violent dans le plan astral, dans le plan vital, dans le plan mental, à pu finir. Et quand l'individu commence à s'émanciper un peu, les premières choses qu'il commence à préserver, c'est le viol de son espace vital. Ce que la femme a fait quand elle a commencé à s'émanciper, ce que les enfants font de plus en plus, on parle d'enfants Teflon, parce que le système traditionnel colle mal, à un moment donné, on ne peut plus violer leur espace vital. On ne décidera pas toujours le linge qu'ils vont mettre, on ne décidera pas toujours la coupe de cheveux qu'ils vont avoir, etc., etc. À un moment donné, ça va créer des guerres. Alors, l'homme, s'il est transparent avec lui-même, il va finir par découvrir que, justement, il est en train de miner la soirée. Et on doit toujours se poser des questions, qu'est-ce que l'on veut? Tous les détails ou le fond de la chose? Bon, veux-tu avoir une famille heureuse ou veux-tu avoir une famille heureuse propre qui ne se mouche pas à la table? Bon, mais s'il y en a un qui se mouche à la table, on va lui dire. Oui, mais là, la famille est plus heureuse. Bien, elle va l'être quand elle aura compris. Ben, c'est vrai. Moins il sera intelligent, plus il pourra comprendre ce que tu veux. Plus il sera intelligent, plus il va résister à ce que tu lui demandes. Parce que s'il est intelligent, il va découvrir que la façon dont c'est parti là, c'est pas lui qui mène sa vie. C'est conditionnel. Puis ça, il n'y en a pas question. Exactement. Alors, l'être humain doit commencer par être transparent avec lui. Ça veut dire quoi, aussi, être transparent? C'est comme dans n'importe quelle structure d'évolution humaine. Être transparent avec vous-même, ça veut simplement dire vous écouter. Vous voulez suivre un régime, c'est compliqué. Vous n'êtes pas transparent avec vous. Vous savez tout ce qu'il faut faire. Vous allez voir un spécialiste, et c'est pour vous faire confirmer, parce que vous le savez. Bon, on décide de mieux s'alimenter, on sait tous déjà au minimum quelle est la base. On sait déjà, oui, mais je connais pas tout, moi, les aliments qui contiennent ce que j'ai besoin. Non, mais commence par cesser de manger la scrap que tu manges. On en sait déjà une grosse partie. Si on se laisse guider ou par ce qu'on appellerait son intuition... On ne se laisse pas guider par son intuition. Si on exécute ce que l'on sait qui doit être fait, et on le sait... Dans l'amour aussi. On choisirait les bons aliments, on choisirait les bonnes choses. Ah, mieux que ça, mieux que ça. On mangerait les bons éléments. On ne ferait pas les choisir. Mais non, l'humain, ce qui arrive, il choisit les bons éléments, puis il mange encore les cochonneries. Mm-hmm. Bon, dans l'évolution, ce sera la même chose. On va, par exemple, discuter de l'amour et on va choisir la bonne façon de communiquer. L'être humain, dans l'ère du poisson, a un problème fondamental. C'est celui qui, il vit en fonction, il vit totalement en chevauchant l'espoir. L'espoir, c'est la transposition de toutes nos obligations entre les mains d'une destinée. C'est la transposition, c'est le rejet et c'est le don, la transposition de toutes nos obligations entre les mains d'un Dieu. C'est ça, l'espoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, une relation d'amour, on n'est pas pour commencer à la légiférer, à la mettre logique, on n'est pas pour commencer à déterminer des paramètres de relation d'amour. Non, on est bien mieux de la faire n'importe comment, en espérant que ça va bien aller. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est tout pour le pire, finalement. Les gens ne signent pas des contrats pour le meilleur, ils signent des contrats pour le pire. Hein? Bon, ça fait que s'ils signent, ils se marient, ils signent n'importe comment, ils signent un contrat, c'est pour quand ça va se déboîter. L'être humain peut aimer, il est capable d'aimer. La problématique, c'est exactement comme si... Êtes-vous capable d'aimer un arbre? Disons que oui, on est capable d'aimer un arbre. Et regardez c'est quoi le problème de l'humain dans son amour. C'est qu'il aime un arbre et alors il marche dans la forêt. Et il a besoin de nourriture énergétique, astrale, émotive, affective, vitale. Il aime. Là, subitement, il tombe nez à nez avec un immense gros tronc d'arbre, un vieux tronc qui le rassure. Il met les deux mains dessus, ça l'énergise, il se sent bien. Mais il a faim physiquement aussi. C'est autre chose, c'est pas la même chose. Et en levant les yeux vers l'arbre pour le contempler, il découvre que c'est un pommier et qu'il y a plein de pommes. Alors là, il est mal pris en maudit. Il aime l'arbre, mais il va commencer à manger l'arbre. Il va tuer l'arbre. Il va ramasser les pommes, il va grignoter les pommes, etc. Bon, on peut faire l'exemple avec vous vous promenez, vous rencontrez un plant de tomates. Vous tombez en amour avec le plant de tomates. Mais quand vous allez avoir faim physiquement, vous allez manger les tomates. Le plant ne pourra pas se reproduire, vous le dénudez. Puis après ça, il n'est plus si beau. L'amour, c'est souvent la même chose. On rencontre un être avec qui on veut, avec qui ça peut fonctionner. Ça peut être nos enfants, notre femme, notre mari, nos amis, nos parents. Et il y a plusieurs façons de s'aimer. Alors, on est en harmonie avec eux autres. On peut discuter à un moment donné de choses intéressantes de n'importe quel niveau. On se synergise. On a parlé politique, puis on était énergisé. On a parlé de corde à linge, on était énergisé. On a parlé d'évolution, on était énergisé. Le propos n'a pas d'importance. C'est l'énergie communiquée dans le propos qui est importante. Bon. Maintenant, ce qui va arriver... C'est qu'à un moment donné, il y a une partie de l'humain qui va avoir faim. Et cette partie-là n'est pas celle qui mérite le plus d'être alimentée. Mais par expérience ancestrale, c'est-à-dire par tradition, par habitude, par éducation, c'est celle-là qui va toujours passer en premier. Vous aimez votre femme, vous aimez votre mari, puis à un moment donné, vous allez vous engueuler, vous allez vous bafouer, puis toujours uniquement pour alimenter une partie qui est en bas. Et si les deux se plient à l'alimentation de la partie qui est en bas, ça peut créer une harmonique en haut. Parce que c'est comme si on dirait, on va faire taire le cave en bas, l'ego, et après on va être bien. Mais il y a une problématique de l'amour émotif humain, c'est qu'il doit être entretenu. Il ne parvient jamais à rayonner de par lui-même. Il ne se suffit jamais. Alors, ce qui fait qu'on l'alimente, par exemple, je veux respecter ma femme, mais disons qu'on va avoir une relation sexuelle ensemble, là. Bon, ça dure 15-20 minutes, bon... Et maintenant, on est bon pour la fin de semaine. Là, on peut faire, bien, regarder les fleurs, se promener ensemble, se masser l'un l'autre, ça revient. Mais rendu au lundi matin, là, le massage, tout ça, tu sais, c'est bien beau, mais là... Fait que là, on va recommencer, puis après ça, on va être bien encore. C'est un problème. Dans toutes les relations, c'est un problème. Je pose souvent une question. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent être de véritables amis sans tomber en amour? La majorité répond non. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'ils peuvent être de vrais amis et monter en amour? Il y aura toujours quelque chose en bas qui a besoin de s'alimenter, qui va tout défaire l'affaire au complet. Est-ce que ça doit absolument défaire l'affaire au complet, justement? Bien, ça va toujours défaire l'affaire au complet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'aboutissement d'une relation énergétique harmonieuse entre deux individus, mais c'est simplement l'obligation animale d'une relation totalement sexuelle, hormonale, reliée à des mécaniques de besoins hormonaux qui manipulent deux individus. Ce qui va faire en sorte que... Regardons ceci. Ce qu'il y a de plus bas dans l'amour humain, c'est la relation sexuelle. L'humain va dire, ben oui, non, c'est ce qui est de plus haut. Ça dépend du point de vue où on part. C'est sûr que si on ne connaît rien de ce qui est en haut, ben c'est de plus haut. Si on est capable d'aller chercher un peu plus haut, on se rend compte vite que c'est en bas. L'animal est capable de relations sexuelles. Hein? Bon, les insectes en sont capables, les poissons en sont capables, les oiseaux en sont capables, les maringouins en sont capables. Ils font ça de leur façon, évidemment. Bon, c'est sûr, ils n'ont pas besoin de films puis de livres, pas qu'à faire. Bon, mais quand même. Tous les animaux sont capables de relations sexuelles. Les rhinocéros et les éléphants compris. Ils travaillent beaucoup, mais quand même, sont capables. C'est méritoire. Dans leur cas, c'est pas mal méritoire, oui. Et l'animal humain aussi. Les éléphants, ils se trompent pas, moi. Ça dépend. Mais l'animal humain aussi. Et au-delà, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Plusieurs choses, son intelligence, sa capacité d'adapter l'extérieur, tandis que l'animal s'adapte à l'extérieur, etc. Mais il y a aussi la capacité d'altruisme. L'animal le fait difficilement. On va dire de temps en temps que certains vont le faire par programmation, mais effectivement, il n'y aura pas de... C'est mental, leur chose. Exactement comme, par exemple, on va dire, dans un essaim d'abeilles, dans un nid d'abeilles, il y aura des abeilles qui vont aider les autres. C'est vrai. Quand l'autre est plus fonctionnel, on la tue, par exemple. Donc, c'est une question d'intelligence, mais ce n'est pas de l'amour. C'est une question de logique, d'écologie sans amour, d'intelligence sans cœur. Ce que l'humain doit développer, c'est l'intelligence qui aura du cœur. Et on a tous ces niveaux-là. Quand on arrive avec l'humain, on va voir, par exemple, les animaux qui s'occupent de leurs enfants. Oui, sauf que l'animal ne s'occupe pas de son enfant comme l'humain. Mais on a des phases similaires. Le parent animal se réincarne dans son petit, il est le petit, il s'intéresse au jeune corps. Bon, il y a des choses similaires à ce que l'homme et la femme vont faire aussi avec l'enfant. On doit constater, par contre, qu'il y a des petites nuances. La paternité n'est acceptée dans le règne animal sur cette planète uniquement qu'à l'homme. Il n'y a aucun animal sur la planète Terre qui connaît des femelles qui autorisent le mâle à être le père du bébé ou de l'enfant. Alors, on aura les épaulards qui vont vivre en couple toute leur vie. Il y aura des petites choses comme ça qui vont se passer. Et subitement, si on étudie les épaulards, on découvre qu'il est capable de haine, qu'il est capable d'haïr, qu'il échange en une heure autant d'informations qu'on en retrouve dans la Bible. Bon, on découvre que certains animaux, le dauphin, ces choses-là, qui ont une particularité, ils sont intelligents, mais d'une intelligence qui n'a pas de main. Donc, ils ne peuvent pas exprimer leur intelligence en créant des ordinateurs. Une intelligence adaptée à eux. C'est un règne particulier, puis il y a des raisons sous lesquelles on pourrait revenir à un moment donné pourquoi ces animaux ont été créés. Mais on est déjà dans les mammifères supérieurs, dans les mammifères qui échangent, qui communiquent. Il y a une nuance. Si on va encore un peu plus loin, le père. L'enfant a besoin du père. Dans les animaux, même chez les épaulards, le petit n'a pas besoin du mâle. Bon, il a besoin de la femelle, et quand il n'en a plus besoin, à un moment donné, je ne sais pas. Dans le cas de l'humain, la mère autorise le père à se pointer. Ça a été longtemps difficile. La mère, pendant longtemps, s'occupait de l'enfant. Et on va dire, on dit à un moment donné, oui, mais les hommes, jamais ils se sont occupés des enfants. La mère ne voulait pas non plus. Bon. La mère, elle porte l'enfant pendant 9 mois, elle le met au monde, puis elle autorise un homme qui n'a pas fait grand-chose. Ça dépend. C'est question de biologie, oui, mais au niveau du travail, 9 mois de temps, pas fait grand-chose d'autre. Et en plus, le bonhomme, souvent, lui, a eu son profit lorsqu'il l'a fait. Oui, mais bon. le père, il a porté les spermatozoïdes pendant peut-être 35 ans. Ouais, enfin. Fait que 9 mois. 35 ans, le père? Là, effectivement, vous avez raison, mesdames, il était chaste en tabarnou. 35 ans. Oublions ça. L'enfant ne doit pas être brillant. Bon. continuons. T'es un spermatozoïde usé, ça. Ça ne contient grand-chose. C'était vieux de la vieille. Mais tu parlais pas de tout, de toute façon. Non, non, non, c'est un exemple. Ouais, c'est un exemple qu'on retrouve dans les prisons, où, encore là, même là, même là. Il y a un gars bien attaché, puis bon. Mais... ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que dans notre façon d'aimer, il y a autre chose que l'amour uniquement animal, végétal, parce que finalement, ça végète là-dedans. Il y a d'autres choses. On est capable d'apprécier un enfant. Mais nous sommes même capables d'aimer d'autres enfants. Les enfants des autres. Les animaux, souvent, vont tuer si on leur donne un enfant d'une autre portée. Sinon, il faudra être rusé. Et si l'animal est au contact de l'homme pendant un bout de temps, il finit par être imprégné de l'homme. On verra ça dans certains zoos, très rarement, où on aura un animal qui va accepter. Il y a des exceptions, toujours. Si on regarde, par exemple, l'exemple de peau blanche. Tu connais l'histoire de peau blanche? Non. En chimpanzé, c'est un homme Tarzan. Ah oui, oui. Voilà, bon. Alors, il y a toujours eu des exceptions. Il y a eu des enfants loups, des enfants gazelles, etc. Des enfants qui ont été, à un moment donné, élevés par une femelle en mâle d'un bébé. Ces enfants-là n'ont pas vécu longtemps, mais c'est des cas qui sont arrivés. Ce sont des exceptions. Les exceptions, c'est toujours dangereux. Des fois, on s'en sert. C'est comme je dis souvent, une personne saute en parachute, le parachute s'ouvre, tu sais, puis arrive en bas, puis se tue. Puis il y en a une autre tombe en parachute, le parachute s'ouvre pas, il arrive en bas, puis il est vivant, tu sais. Mais ça prouve pas que c'est préférable de sauter sans parachute. Ça prouve qu'il y a des exceptions. Bon. Nous sommes capables d'aimer les enfants d'autrui. Ceux qui enseignent ou ceux qui sont parents, tantes, etc., les grands-parents animaux ne viennent jamais et ne s'occupent pas des enfants de leurs enfants. Donc, on est capable d'aimer différemment. On est capable de compassion, on est capable d'altruisme, on est capable de plusieurs choses. Ça, c'est de l'amour énergétique. Est-ce que c'est parce qu'on en est capable ou parce que l'ego en a besoin? Non, on en est capable. La problématique, ça, c'est de l'amour énergétique qui peut être développé d'une façon extraordinairement plus grandiose, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va être capable de s'aimer entre adultes, autant que vous êtes capable d'aimer vos enfants ou les enfants des autres. Il n'y aura pas la barrière... adultes. On va être capable, dans une relation énergétique, de s'aimer autant entre hommes, entre femmes, entre hommes-femmes, entre femmes-enfants, entre hommes-enfants, etc. Il n'y aura pas de problématique. Mais pour cultiver cela, nécessairement, il faut qu'on place de l'énergie là-dedans. La problématique, c'est qu'on perd énormément d'énergie dans une relation sexuelle à outrance. Bon. Et le gros du problème aussi, souvent, c'est qu'on n'a pas le temps de cultiver en haut qu'on est déjà en train de cultiver en bas. Tous les sens du mot cultiver, évidemment. Je ne sais pas que tu comprends. Bon. Alors, ce qu'il faut faire, il faut parvenir à comprendre certaines mécaniques. Comme je le dis aussi, c'est évident qu'il y en a qui, génétiquement, ont besoin de relations sexuelles régulières. C'est une question de sevrage, une question de sevrage comme on l'a avec l'alcoolisme ou encore les narcomanes, parce que dans une relation sexuelle, il y a des sécrétions d'endorphines, une morphine naturelle, il y a des sécrétions de dopamine qui créent une forme de joie. Il y a différentes sécrétions d'hormones naturelles qui sont identiques à différentes drogues que certaines personnes, que certains narcomanes vont prendre, ce qui va engendrer les maladies de jouer régulièrement à l'argent ou de faire du sport ou d'aller voir des films d'horreur. Le corps a besoin d'une forme de sécrétion, il t'en manque, et là, ça contrôle l'ego. Et ça rabaisse notre phénomène d'amour à un niveau particulier. Juste un exemple, oui. Avant que tu m'arrêtes. Voilà. Quand on s'engueule, on sécrète. Quand on est heureux, on ne sécrète pas. Et c'est ce qui va faire en sorte que bien, bien, bien souvent, la relation amoureuse entre des individus va s'en aller vers la problématique, la chicane, l'engueulade, on se parle plus, on se boude, la fuite, le ceci, le cela, parce que là-dedans, l'humain a l'impression de vivre, parce que ça sécrète le cœur, pompe, t'as des angoisses, le système intestinal se crampe, il n'y a pas quelque chose qui va se passer. Quand tout va super bien, on est heureux à un niveau énergétique, mais le corps physique ne le vit pas. Le corps vital le vit, ce qui va engendrer un bien-être physique à un moment donné, à moyen terme, si on peut le maintenir. Mais il n'y a pas de sécrétion endocrinienne. Vous êtes extrêmement bien, extrêmement heureux. On vous demande, ton cœur, est-ce qu'il bat vite? Oh non, non, il bat lentement. On vérifie vos ondes cérébrales en alpha. On vérifie votre système endocrinien ou d'autres choses. Tout est au calme. Vous êtes heureux. Puis à un moment donné, ben, vous allez avoir besoin de bouger. Là, quand l'humain va commencer à crier, le cœur accélère, il y a des sécrétions de catécholamines, il y aura plusieurs choses qui vont se passer. Donc, dans l'amour véritable, ça se vit au niveau énergétique. Et progressivement, ça va muter le corps physique qui va nous libérer de toute la contrainte génétique qu'on retient de notre vie animale du passé. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de supporter l'énergie? Dans le sens que si tu as de l'argent, il faut que tu dépenses. Si tu commences à avoir heureux, une certaine... faut que tu chiales. C'est ça. Pourquoi on ne peut pas la supporter? Est-ce que c'est parce que le corps physique n'est pas prêt à la supporter ou... C'est quoi le problème? La majorité des gens ne peuvent supporter l'énergie uniquement parce qu'ils ne savent pas mourir. Ils n'ont pas appris à mourir. Les individus doivent apprendre à mourir. Il y a des choses qui doivent se faire. Il y a une chirurgie astrale qui peut aider un individu à passer à certaines choses. Apprendre à mourir est fondamental. Apprendre à mourir, c'est exactement comme si on t'entraînait à une initiation qui va te faire renaître. Apprendre à mourir, ça veut dire que tout ce que tu as été dans le passé, ce n'est plus toi. Apprendre à mourir, c'est même te réincarner. Ça veut dire que tu renais. On ne parle pas de mort physique. Il y aura une transformation radicale physique à un point tel qu'on ne pourra même pas t'associer génétiquement à tes parents. Donc, c'est comme si tu serais rené. Alors, l'être humain ne sait pas mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant, il y a beaucoup d'énergie qui arrive. L'humain sent le changement. Et le changement fait que lui, l'intelligence dans l'humain va passer, mais toute la mémoire de l'humain ne passera pas. L'énergie qui maintient la mémoire en place, elle va passer, mais elle va être restructurée. L'humain va être un réincarneur du futur et non plus une mécanique qui va réincarner du passé. L'humain ne fonctionnera plus en fonction de la mémoire, il va fonctionner en fonction de l'intelligence instantanée. L'humain n'aura plus d'ego. L'humain sera un être nouveau. Un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau. Donc c'est l'ego qui n'a pas intérêt à laisser passer cette énergie-là. L'ego a intérêt, mais l'ego ne le sait pas. Ne sait pas qu'elle a intérêt. Oui. C'est toujours la même chose. Dieu va venir vous chercher, vous ne voudrez pas lâcher votre famille. Bon, certains ne voudront pas laisser leur emploi. D'autres, ce sera leur char, d'autres, ce sera leur maison, leur terre, etc. Ça dépend du travail. Évidemment. L'être humain a de la difficulté à ramasser son énergie parce que l'accumulation d'énergie fait que tu vas changer. Et je le répète souvent, l'humain parviendrait à ne pas gaspiller, à maintenir un ramassage d'énergie, et en amour, on peut le faire d'une façon douce, qui va aider. Vous savez, l'évolution est uniquement une question d'énergie. L'avantage d'évoluer en amour, dans un échange d'énergie, pas sexuel, dans un échange d'énergie à un niveau énergétique, l'avantage que ça a là, c'est que ça permet à l'ego de se rendre compte que d'autres individus le vivent et le font, ça le sécurise, ce qui fait que c'est un petit peu plus lent, beaucoup moins souffrant, et ça nous permet d'y aller. Est-ce qu'on attend de voir qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire? C'est qu'on est capable de se parler astralement de temps en temps, ensemble, qu'on est bien. Parce qu'on peut le dire mentalement qu'on est bien, mais l'ego, lui, il a modifié un fichu problème. Alors, si on peut le dire de temps en temps astralement, si de temps en temps, on peut se payer le luxe de perdre un peu d'énergie en parlant de tout comment qu'on est bien, plutôt que de le vivre. Tu sais, on arrête de vivre le bonheur, viens t'asseoir ici, on va en parler une heure ou deux. Là, c'est pour l'ego, là. C'est vrai qu'on est bien ensemble, même si c'est vrai que si, c'est vrai que ça, puis là, on est là, deux rats de trucs, on parle. Après une heure ou deux ou trois, on a nourri un peu l'ego, puis là, on se dit, bon, maintenant, si on continue à le vivre. OK. Parce que tant qu'on le vit, on nourrit pas l'ego, on nourrit tout ce que nous sommes. Alors que l'ego, c'est la mémoire de ce que vous êtes, c'est pas ce que vous êtes. Et de temps en temps, c'est comme si on dit, écoute, on va y envoyer un peu d'informations d'où ce qu'on en est rendu, là. Mais on doit contrôler l'ego. Prendre son corps et le bouger. Être transparent, ça veut dire que tout ce que vous savez que vous devez faire, vous devez le faire. Sinon, on n'arrive à rien. Ce soir, ben là, on a parlé un peu de théoriquement. Il serait intéressant de parler pratiquement, de comment en amour on peut accumuler de l'énergie, récupérer de l'énergie. Sauf qu'il y a toujours une problématique, c'est que lorsque je donne des exemples pratiques, c'est un exemple applicable. Pour beaucoup d'ego, un exemple applicable, c'est un exemple niaiseux. Oui, parce que c'est trop facile, on peut le faire. C'est ça. La meilleure façon de se maintenir en santé... Donne-nous une facile qu'on ne peut pas faire. Mais c'est un peu ce que je vais donner de toute façon parce que l'humain a suffisamment de blocage. C'est ce qu'elle a dit. Je vais donner un exemple. La meilleure façon de se maintenir en santé, qu'est-ce que c'est? C'est le massage. Vous vous écrasez par terre, sur un lit, sur un matelas, et vous achetez un petit livre d'acupuncture banal, et puis vous le regardez, puis là, vous regardez les pieds. Tabarouette, il y a tant de points que ça dans les pieds. Mais là, prenez pas des aiguilles. On appelle ça du do-in. Hein? C'est une technique japonaise qui existe depuis longtemps. Là, on commence le massage. On stimule des points d'acupuncture. Oui, mais je les connais pas. La grosseur du pouce, même si tu as un quart de pouce à côté, aucun problème. Bon, on masse. Et là, il arrive ceci. Il arrive que la personne, l'ego va dire, oui, mais c'est toujours moi qui masse. Il y en a qui sont masseurs, il y en a qui sont massés. Bon, il y en a qui sont masseurs-massés, et c'est sûr que si on est deux masseurs ensemble, il faudra qu'il y en ait un à un moment donné qui se laisse masser. Puis si on est deux massés ensemble, il faudra à un moment donné qu'il y en ait un qui commence à masser, puis qu'on se l'échange. Mais ça, on fait une entente conséquentielle. Mais c'est les deux gagnent en énergie dans le massage. Et là, on commence à masser, on stimule des points, puis on s'en va, etc. Puis on masse le corps de l'individu. Puis on prend notre temps, hein? On prend une heure et demie à faire un massage. Vous savez, ça guérit, ça nourrit. Et si on est déjà dans un couple, l'enfant, on peut le masser, il peut nous masser. Mais il faut faire attention, il y a toujours des inhibitions idiotes qui viennent se placer. On va masser nos enfants, mais on n'autorisera pas nos enfants à nous masser. Est-ce que ça énergise le masseur et le masser, l'enfant et le parent? Les deux. Les deux à la condition que les individus se laissent aller. Qu'est-ce que ça veut dire se laisser aller? Ça veut dire que, est-ce que c'est conséquentiel, est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est écologique, est-ce que ça vous plaît? Oui. Bien, fermez la boîte à tout ce qui est dans vos jambes. Moi, je connais une personne, bon, on s'approche d'elle, elle s'éteint. On commence à la masser, c'est une mère de famille. On commence à la masser, puis immédiatement, elle commence à nous masser. J'ai passé mon temps à dire, tu t'es tellement coupable. Elle partait acheter un chandail pour ses enfants, non, elle partait, excuse, elle en a ramené 4-5, elle allait s'acheter des souliers. Elle revenait avec des souliers pour les enfants, elle n'en avait pas plus. Elle partait en vacances une semaine, elle dépensait 300$ son voyage, puis 600$ pour les enfants avant de partir. Elle ne peut pas s'autoriser à partir si elle dit, bon, tu sais, bon. Les individus doivent apprendre, quand je parle d'être transparent, c'est ça. Ça, c'est s'aimer soi-même, réussir oui, à s'aimer. Oui, être transparent. Éverge-toi là, puis laisse faire. Oublie. OK? Je fais un massage, oublie. Mais ce qui est important, vous ne devez pas dormir pendant le massage. Vous devez être attentif, on appelle ça magnifiser, à être dans l'orteil pendant qu'on tripote l'orteil. Bon, puis là, on suit le massage. Puis le corps va réagir à certaines choses, c'est évident. Vous refaites circuler de l'énergie. Chez un homme, il y aura peut-être, par exemple, une érection, il y aura peut-être différentes choses du genre qui sont visibles. Ça ne mène pas à quelque chose de sexuel. Ça n'a rien à voir. Les corps physiques sont les corps physiques. Si la femme a leur érection aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réception positive. Il y a une circulation d'énergie et qui est encore un petit peu mal canalisée. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, on crée une santé. Allez pas voir un médecin, allez pas voir un acupuncteur. Puis l'alimentation, on y fait attention. Mais si vous ne digérez pas l'alimentation bonne que vous prenez, on fait un massage. Oui, mais là, est-ce que deux hommes peuvent se faire un massage sans que c'est homosexuel ou sans que c'est pogné tout le long du massage? Oui, c'est évident qu'il faut en arriver là. On n'aura pas une société intelligente si on reste continuellement barré. Bon, là maintenant, on va dire, bon, c'est une illusion. C'est un traitement choc pour l'ego en plus. Mais c'est même pas un traitement choc. Plus pour des hommes que des femmes, oui, j'imagine. Parce que les femmes, on les a confinées souvent à être ensemble. La femme est beaucoup plus enfant que l'homme. Dans plusieurs de ces expressions. Et c'est pourquoi deux enfants, ça dérangera moins. Puis l'homme, il est viril. Cave puis viril, tu sais, c'est bon. Alors lui, c'est un paquet de problèmes. Mais ce qui va arriver à un moment donné, c'est que tu procèdes à un massage. Le massage, c'est la meilleure façon de commencer une récupération énergétique en amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quels que soient les problèmes que vous avez, parlez-en plus, il n'y en a pas de problème. Il y a des manipulations astrales, du charriage social, du charriage professionnel. Il n'y a aucun être humain qui se conscientise, qui veut se chicaner. Ben, il n'y en a pas. La majorité se chicane, mais il n'y en a aucun qui veut se chicaner. Bon. Alors, on ferme sa boîte. Il y en a un des deux qui va s'évacher. Oui, mais là... Bon, couche... C'est le temps, là, un peu ça. Puis bon, tu te couches, l'autre commence à masser. Puis, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une communication énergétique qui va se faire autrement que sur le plan de l'ego. En plus, vous allez redonner, ça crée une synergie. Créant une synergie, vous allez vous énergiser. Vous énergisant d'ego, vous allez passer à votre mental. Puis là, vous allez être capable de dire, c'est-tu niaiseux, je suis calé. Mais là, vous n'en souffrirez pas. C'est-tu niaiseux, mais j'avais raison. Tu sais, c'est pas ça qui va se passer. C'est-tu niaiseux, parce que c'est niaiseux. Puis là, vous vous laissez être bien. C'est important. La majorité ne se laisse pas être bien. L'ego va être là pour vous empêcher d'être bien. On doit apprendre à s'autoriser, à être transparent avec soi-même. Là, on fait un massage complet. On ramasse énormément d'énergie et on communique. Alors, les enfants, les adultes, et on doit faire des échanges. Vous savez que deux êtres humains peuvent être assis, couchés un à côté de l'autre et se masser tous les deux. Il n'y aura pas de problème. Je ne parle pas des massages de culpabilité, là. parce que l'autre, c'est Thomas, tu le masses aussi. Non, non. Il y a des façons de se masser tous les deux. D'ailleurs, vous le savez, quand il y a des rapprochements post-sexuels, de temps en temps, quand il y en a qui ont le temps, il y a un massage qui se fait de deux côtés. C'est très bon. Ça ne doit pas finir par une relation sexuelle. Pourquoi? Parce que ça finit encore par archétyper toute la nouvelle relation qu'on est en train de créer vers ce qu'on a toujours fait. C'est comme, par exemple, on est alcoolique et on boit. Là, à un moment donné, on décide qu'on se réunit sur un soir et on ne boit pas, on parle. Puis on finit chaud. Non, on est encore en train de prendre une bonne technique pour l'altérer progressivement. À un moment donné, on va dire, écoute, on va manger, après ça, on va parler. Tu sais, ça va être, ouais, tu manges, tu parles, puis tu finis encore en buvant. Non, c'est coupe quelque chose. Si vous voulez boire, réunissez-vous et buvez. Quand vous voudrez parler, réunissez-vous et parlez. Ne buvez pas. Alors, à un moment donné, on se fait un massage, parfait. Ça finit là. Bon. Quand on voudra avoir une relation sexuelle, on en aura une. Tant qu'à être dans les conseils pratiques, est-ce que... Oh, il y en a plein d'autres. Quand tu fais un massage, est-ce que tu utilises de l'huile ou pas? Ou des bon, pour faire un massage, la meilleure chose, c'est d'utiliser... Bon, il y a des... Ben, couche-toi ici. Imagine-toi que je suis couché. Ah, ben, ça a été plus facile. Je sais que t'as belle imagination. Imagine-toi que je suis couché. Je te demande faire où la tête, les pieds, les la mains? La tête. Okay, la tête. On commence un massage. La meilleure chose à faire, c'est que tant qu'à le faire, on va le faire pour le corps physique. Donc, on commence du coup par les extrémités pour pousser le sang vers le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que la personne est couchée, bien, il y a beaucoup de sang qui stagne parce que le cœur n'arrive pas à pomper ça pour que ça revienne. Alors, on va travailler en remontant donc vers le cœur. Maintenant, ce que l'on va faire, on commence à main nue, c'est la meilleure chose à faire, et on y va. Dans les parties qui sont chatouilleuses ou sensibles, on doit y aller puissamment et lentement. Ça chatouille moins. Et on va progressivement insensibiliser ces parties-là du point de vue des réactions traditionnelles, des réactions biologiques ordinaires. Et par la suite, on devra faire un petit massage très, très, très léger. Normalement, on va finir avec un massage vital. Ça veut dire que tu passes à ça du corps de l'autre, tu fais juste passer tes mains. Puis d'un bord à l'autre du corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des petits bouts, on fait un grand bout. Et là, c'est là qu'il y a une réaction majeure au niveau de l'échange d'énergie. L'huile ou ces choses-là, ce que ça va faire, ça permet probablement dans des massages sportifs où vous partez avec le quadriceps, fais-moi mal, puis là, vous le remontez au complet, mais là, la peau elle veut venir avec, c'est dépendant des mains de l'autre, ça peut être extrêmement rugueux. Alors, on met de l'huile pour que ça glisse. C'est pas nécessaire de mettre de l'huile. On peut en mettre, mais c'est pas nécessaire. Le talc, ça bouche les pores de peau, c'est vraiment pas à recommander. Et à un moment donné, on peut s'acheter des brosses. Hein? Une brosse à plancher, par exemple, là, en chanvre. En acier. Non, pas en acier, en chanvre. Allez pas le voir. En chanvre. Pas pour fumer. Il y a des choses qui existent, des trucs dans le genre. Et puis là, avec ça, on peut gratter. Hein? On peut piquer, on peut gratter. Ça fait un bien, du tonnerre. C'est la façon de masser, c'est la meilleure façon. On peut écraser complètement aussi, sauf qu'il y en a de temps en temps qui disent « Moi, te faire un massage japonais, couche-toi sur le ventre. » Là, il monte ses fesses debout, puis il se promène. Puis après ça, il descend dans le creux lombaire. Il n'y a pas de côte, là. Tu sais, les vertèbres lombaires touchent quasiment à terre, là. Très dangereux pour avoir une syphose, un moment donné. Crac! Une lordose, plutôt. Il y a des petites choses comme ça qu'on doit faire attention. Est-ce que tu choisis le masseur ou la masseuse? Ouais, c'est le temps d'un enfant japonais, c'est moins besoin. Alors, le massage, c'est une extraordinaire façon de faire plusieurs choses. De ramasser de l'énergie, donc de s'énergiser. Quand on est suffisamment capable de manifestation, on peut même s'énergifier, construire, restructurer son corps énergétiquement. Ça permet une relation énergétique sur un autre niveau que la partie orale. L'ego ne peut pas s'en mêler. Bon. Ça permet une synergie. Les deux, celui qui donne reçoit et celui qui reçoit reçoit. Les deux reçoivent. Il y a une synergie qui s'installe. Il n'y a pas un échange d'énergie. Il y aura une synergie. Ça améliore l'état du corps physique. Ça améliore l'état du corps vital. Puis ça prépare à un échange d'énergie dans une relation affective amoureuse quand on est monté en amour. Pas quand on est tombé en amour. Maintenant, on devra, pour cumuler de l'énergie en amour, qu'est-ce que ça veut dire en amour? Ça veut dire que, de prime abord, on ne devrait pas masser n'importe qui. Par snobisme? Par peur des maladies? Tout ça, c'est bon. Continue. Ouais, c'est une raccoon intelligente dans l'eau. OK. Par une mauvaise vibration entre les deux, entre les êtres. Mais il ne serait pas supposé si on aime tout le monde. Oui, l'affaire que c'est qu'on n'aime pas tout le monde. D'accord avec ça? Oui. Voilà. Moi, je parle de pratique, là. OK. Philosophiquement, c'est évident qu'un jour, l'humain devra arriver à un amour universel. Mais l'amour universel ne veut pas dire qu'on se sent bien énergétiquement avec tout ce qui existe. Moi, je peux adorer la manite phalloïde, mais j'en mangerai pas plus, ça va me tuer. Des champignons vénéneux. Bon. Alors, on doit garder certaines techniques de relation. C'est comme, par exemple, vous dites à votre femme ou votre mari, « Hey, mais nous! » Bon. Dites ça à n'importe qui, vous allez voir. OK? Tu pourrais être surpris, je te fais ça. Fasse toujours attention, ça. Ah, absolument. Le massage amoureux. Mais comment tu fais pour le choisir? Pas le choisir, pour l'éliminer. Tu te fies C'est très simple. Les individus avec qui vous vibrez bien, ce sont des individus avec qui vous pouvez monter en amour. Là, il y aura toujours la problématique de l'autre qui est tombé en amour, qui peut tomber dans la jalousie. Commencez donc avec ceux avec qui vous voulez vivre. C'est préférable. Quand tout le monde va être bien énergisé, équilibré, vous allez voir qu'on tombe difficilement en jalousie. Puis ceux qui sont tombés en amour, vous pouvez même vous payer le luxe, à un moment donné, de monter en amour. Puis pas en discutant entre vous, en créant de l'harmonique au niveau des énergies. Bon, alors on commence l'idée du massage. Il y a d'autres façons aussi, on va en parler de d'autres. Mais le massage amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est pas un massage sexuel, ça n'a rien à voir. Mais le corps physique va réagir, oui, il est bâti pour réagir, laissez-le réagir et profitez-en. Il y a de l'énergie qui va se promener, il y a beaucoup de choses qui vont subir une combustion, le corps va se remettre en santé, profitez-en. Mais être transparent avec soi-même, ça veut dire être capable d'être ce que nous sommes. Ça veut dire qu'à un moment donné, par exemple, on va dire à une femme ou à un homme, bon, étant toi, disons que c'est ma fille. Alors, je vais la masser. Elle a 15 ans. Bon. Elle a des problèmes de menstruation. Enfin, je dis simplement, moi, je vais simplement te magnétiser, puis on va te régler ça. Bon, eh bien, d'accord. Alors, je commence, ça va bien. Puis, à un moment donné, ben là, elle me dit, oh, tu me ferais un massage au complet. Quand tu étais jeune, j'en faisais. Bon, je commence à faire un massage. Mais là, elle est habillée comme si elle allait se battre aux croisades. Tu sais, là, c'est bon. Alors, à un moment donné, je lui dis, écoute, par-dessus le linge, ça masse bien mal. C'est pas que le linge que vous devez établir des communications énergétiques. Alors, à un moment donné, bon, OK, ben, elle va ôter ses pantalons. Fait que là, tu masses ses jambes, tu masses ses cuisses, etc. Le rendu dans le dos, ben, ou sur le ventre, ben là, elle aime ça un peu, tu essaies de masser, ben, essaye de masser dans le dos quand ça se tait, tu tires avec le nez autant. À un moment donné, voilà, elle commence à venir un clic. Bon, c'est transparente avec elle-même, il n'y a aucun problème. Être transparent avec soi-même, ça ne veut pas dire être naïf. Ça veut dire que vous êtes capable de vous faire confiance à un point tel que vous êtes capable de savoir que quand vous avez confiance en quelqu'un, ayant confiance en vous, vous savez que vos scruteurs sont bons. Puis c'est vous. Si ça va trop loin, vous allez lui dire, hein, il n'y a aucun problème. Mais c'est nous. Sauf qu'être transparent veut dire qu'il n'y a pas de problème. Sinon, on n'est pas là. Alors, à un moment donné, bon, elle ôte son chandail. Fait qu'on continue le massage. Et puis finalement, je la masse de A à Z, puis après ça, là, il faut que je lui dise. Puis ça, c'est un gros problème. Quand vous faites masser, restez là. Restez là? Oui. Restez étendu après? Oui, reste là au moins 20 minutes. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le temps qu'on vous masse, l'énergie se promène et qu'on se sent bien. Puis c'est physique et endocrinien, dans la majorité des cas, avec un peu d'énergie. Quand le masseur a fini, il faut qu'il quitte la salle. Vous êtes auto-massé, éloignez-vous suffisamment. Okay? C'est sûr que si les deux sont massés, il y en a un qui devra se lever. Celui qui se lève perd énormément du bénéfice de la relation énergétique. Mais celui qui vient de se faire masser, il faut qu'il reste là, respecter le massage de l'autre, c'est ça. Ça, c'est de l'amour intelligent. Restez là, puis vous allez voir, vous allez vous sentir plein d'énergie autour de vous qui lentement rentre chez vous. Et là, vous allez bénéficier 2 à 3 fois plus du massage après. En acupuncture, c'est la même chose. On vous pique une aiguille. À un moment donné, on l'ôte, bouge pas, ça continue à faire effet. Puis dans bien des cas, je l'ôte, et maintenant, ça va faire effet. Quand un acupuncteur travaille bien énergétiquement, puis l'acupuncture, c'est uniquement une question de circulation d'énergie, alors on va piquer, on va stimuler, on peut la laisser là 1 minute ou 2 minutes, puis après ça, je stimule encore et je l'ôte, en disant à l'individu, observe bien ce qui va se passer. Vous devez être conscient, parce que vous allez donner un sérieux coup de pouce à l'énergie. C'est pas de l'imagination. Vous pouvez, par exemple, bouger votre main pendant 20 minutes et pas savoir ce qu'elle a fait. Elle a bougé quand même, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'elle a fait? Vous avez fait une peinture en arrière. Regardez ce qu'il y a de l'air, c'est pourri. Soyez conscient maintenant de votre main, hein, l'imagination. Mais non, vous êtes là pour la contrôler. Le corps, c'est le vital, ce sera la même chose. Je suis allé dans un salon de massothérapie. J'ai un ami qui est massothérapeute, puis il me faisait remarquer au-dessus de la table de travail, après qu'un patient est parti, il m'a fait frotter les mains, passer mes mains au-dessus de la table, puis il m'a dit maintenant, dis-moi où mon patient était malade. Puis je pouvais dire exactement. Tu te sens brûlé, tu te sens. Pourtant, t'es plus là. Puis l'intellectuel, il va dire ouais, mais c'est peut-être juste un hasard, c'est peut-être juste. Ouais. Ben, c'est un bon hasard. Il marche tout le temps. Autant le conserver. Parce que ça veut dire donc, dit que l'énergie a continué à travailler. Parce que le patient est parti trop vite. Et puis en plus, on devrait, dans un centre comme ça, passer la table au complet aux ultraviolets après, parce que le patient suivant vient se placer là, il ramasse une énergie. Et d'ailleurs, c'est un problème. Dans le PMC, à un moment donné, on montre aux gens à voir l'énergie vitale, on leur montre à communiquer de l'énergie vitale. Ils peuvent faire des guérisons. Puis on leur stipule bien, les lois de la guérison, on ne leur montre pas, puis on leur dit bien que le danger de la guérison, c'est que tu absorbes la maladie de l'autre progressivement. Dans la pièce, à un moment donné, il y aura toutes les maladies que les patients ont eues, puis le massothérapeute à l'intérieur ou le magnétiseur va finir par attraper les maladies. On appelle ça le choc du retour. Problème karmique. Sur la planète Terre, si vous faites le bien, vous aurez le mal, très souvent. Est-ce que c'est la même chose quand on masse un ami, une amie, une femme, un enfant? Le massage curatif, thérapeutique, on n'en parlera pas. Il y a des grandes façons d'arriver à faire un massage thérapeutique sans problématique. La meilleure chose, c'est un massage à distance par vocalise, mais c'est trop compliqué à expliquer. Quand on fait un massage affectif ou amoureux, il n'y a pas de problème parce qu'on communique uniquement sur des plans d'énergie où il n'y a pas de problème. Les plans d'énergie où il y a le problème, ça ne communique pas. Donc, une fois qu'on s'est fait masser, on reste là pour en bénéficier. 5 minutes, vous n'êtes pas capable plus, prenez 5 minutes. À un moment donné, ce sera 6, 7, 8, 9. On doit prendre le corps et le bouger, c'est-à-dire le contrôler. Hein? Être le mental qui contrôle le corps, être le maître contrôleur. Peut-être d'autres façons. Ce sont des façons de parvenir à un amour qui accepte l'intelligence, qui ne collectivise pas l'humain, qui ne rend pas les êtres qui s'aiment dépendants l'un de l'autre. C'est ce qui engendre la manipulation à un moment donné. Oui, mais là, il te part 3 jours à la chasse, puis moi, là-dedans. Tu sais, t'as besoin de l'autre, t'es dépendant de l'autre. C'est pas bon, ça. Parce qu'on nuit à la vie de l'autre, puis l'autre aussi nuira à notre vie. On est dans un amour conditionnel. Alors, il y a d'autres façons. La communication oculaire. Tu connais ça, toi, t'es un ancien... Oui. Bon. On parle des yeux. Il y a même une chanson là-dessus. Ramasser de l'énergie... Par l'amour veut dire qu'avec les individus avec lesquels on peut monter en amour, les individus avec lesquels on vibre bien, eh bien, on devrait... Ce sont des techniques comme manger. Manger est une technique. Souvent, on l'oublie. Ben, c'est pas une technique. Moi, je mange à toute vitesse. Oui, d'accord. Mais tu ouvres la bouche, tu mets les aliments dedans, tu y pousses, tu mâches un peu, puis tu essaies de tout gorger en arrière. C'est une technique. Ce que je veux dire, c'est que vous devez manger. Dormir, c'est une technique. Vous devez dormir. La majorité, vous n'avez pas la bonne technique, mais vous devez dormir. Alors, on doit aussi, dans une relation énergétique entre deux individus, s'arranger pour faire certaines choses. Bien, on joue aux cartes. C'est une technique. Vous avez dû apprendre le jeu. Vous avez dû apprendre les règlements. C'est une technique. Bon, nous autres, on s'engueule. Il y a aussi une technique. On doit développer une voix particulière, des expressions particulières. Il faut qu'on apprenne tout ça pendant notre enfance en regardant nos parents. Bon, on doit apprendre. Après tel mot, il y a une tasse qui arrive. Après l'autre mot. Oui, c'est ça. Puis il y a un mot qui fait mal là. Puis il y a un mot qu'on dit telle place là. Puis il y a une voix qui va avec. Puis il y a une affaire là. Puis etc. Et puis bon, il y a des techniques. C'est compliqué. Maintenant, on doit apprendre d'autres techniques. Vous savez, les techniques qui s'apprennent seules, spontanément, souvent amènent l'humain au déboire. Alors maintenant, on doit arrêter. Puis on doit prendre des techniques différentes. Une de ces techniques-là va être, vous devez essayer ça, vous allez voir que c'est extrêmement énergisant, c'est très, très opérationnel. Au début, vous allez avoir l'impression, pour plusieurs, d'être des imbéciles. Pourquoi? Parce que vous allez subitement être comme des enfants, de jeunes enfants, qui sont en train d'apprendre à vivre. De jeunes enfants en train de découvrir la relation entre deux sexes ou la relation amoureuse, énergétique, entre des individus. Vous savez, prenez un exemple d'un jeune garçon de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans et d'une jeune fille du même âge, sa cousine ou quelque chose comme ça, puis là, à un moment donné, vous lui dites « Embrasse-la, c'est sa fête. » puis là, ça s'embrasse, c'est bien, bien comique. Les deux ont l'impression d'être totalement ridicules. Et ceux qui se sont embrassés souvent ou qui embrassent souvent le parent, c'est moins pire. Mais on parle donc, vous allez vous sentir comme deux jeunesses, deux enfants, en train de découvrir quelque chose de bon. Le Lego commence à apparaître, à bloquer un petit peu. Mais vous avez, on dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, il faut fusionner les deux. Vous avez l'expérience. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez encore. La jeunesse souvent manque d'expérience. À notre contact par imprégnation, ils peuvent l'avoir. L'éducation, ça nuit un peu. C'est quand on a trop de leur dire, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Mais s'ils nous voient faire, ils vont finalement prendre notre expérience, puis ils peuvent, nous aussi, on peut. Alors, on s'assoit l'un en face de l'autre. On ne se touche pas. Donc, pas d'échange énergétique par le corps physique ou le corps vital. On ne croise pas nos pieds, on ne croise pas nos mains. Protection. Mais ça fait simplement que l'énergie vitale circule pour créer une synergie, mais il n'y aura pas de communication entre les deux individus. Et on va oser placer sa tête un peu plus haute, puis se regarder. Mais pas dans le blanc des yeux, dans la couleur des yeux. Et là, les égaux, les intellects d'égo vont dire, parce que je vois ça en séminaire, c'est facile. Là, ils se regardent. À un moment donné, Daniel, est-ce qu'on doit regarder l'œil gauche, pas ça l'œil droit, pas ça l'œil gauche, pas ça l'œil droit? Est-ce qu'on doit regarder dans tes deux yeux ou. Vous compliquez donc tout, torieux. Regardez-vous à face. Je regarde le troisième. Bien sûr, est-ce qu'on doit regarder là? Non. Vous vous regardez, les yeux. Oui, mais là, j'ai mal à la tête, là. Est-ce que tu clignes des yeux? Ah, fallait cligner des yeux! Mais oui, avant qu'il tombe à terre, tu clignes des yeux. Bien utile. Avant que le feu prenne dedans. Vous savez, souvent, on doit tout dire. Mais non, c'est naturel, c'est facile. Là. Vous écrasez un en face de l'autre, là. Oui, mais est-ce que je peux allonger les jambes? Vous savez, c'est tout ça que ça fait que ça devient bien compliqué. Là, vous écrasez, puis là, vous vous regardez. Vous allez commencer à parler, hein? Oui, c'est comme celle qui... Vous le massez, là. Puis là, commence à vous masser. On se sent mal. On est coupable. Fermez vos boîtes. Puis vous vous regardez. Et puis vous allez échanger énormément d'énergie. Et ça ne peut se faire énergétiquement qu'entre des individus capables de monter en amour. Donc, on parle encore de relations d'amour. Oui, mais ça peut être bon avec... Ça peut être bon avec n'importe qui. C'est pas ça que je veux dire. Présentement, on parle de relations au niveau de l'amour, entre couple ou entre amis capables de monter en amour ou avec nos enfants ou avec nos parents. Et on va aller chercher beaucoup plus rapidement, beaucoup plus d'énergie dans une relation montée en amour qu'avec des individus avec qui on peut se vibrer certaines choses. Quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup ou qu'on connaît mal, si les regards se croisent puis que les personnes se regardent, il y en a un des deux qui craque. Normalement, ils ne sont pas capables de continuer de se regarder. Dépendant de celui qui aura l'ego le plus médiocre. Celui qui va craquer. Parce qu'on n'est pas capable de tolérer la présence. De... Celui qui aura l'ego le plus médiocre et qui est habituellement celui qui est le moins transparent. Parce que vous allez regarder un enfant de 2 ans qui vous regarde dans les yeux. Il y a beaucoup d'adultes qui, à un moment donné, l'enfant les plante. Bon, alors qu'à un moment donné, si tu es suffisamment transparent avec toi-même, donc s'il n'y a pas de guerre d'ego avec l'enfant, tu le regardes, ça va bien. Il y a des parents, il y a beaucoup d'adultes qui sont capables d'être transparents avec un enfant de 2 ans. L'enfant a 6 ans, 7 ans, il vous regarde, puis si l'enfant est moindrement puissant, on plante. Mais là, même c'est la même chose, être transparent avec soi-même. Savez-vous c'est quoi la grosse misère, torpinouche, de prendre 5 minutes à se regarder dans les yeux? Vous allez voir comment c'est compliqué. Vous allez voir toutes les bibites en arrière de nous autres qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'être heureux. C'est pas ces bibites-là, c'est pas nous. Oui, mais je suis pas capable. Non! Mon ego veut pas. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Regarde-moi. Prenez votre corps et dominez-le. C'est tout. Oui, mais là, je sens mon corps. On n'a rien à foutre de tout ce que vous sentez. Vos yeux, vous regardez. L'autre, ben, c'est simple. Tu sais, il y a un pied qui se promène. Vous allez rire, riez. Vous allez vous énergiser. Il s'agit de ne pas parler, seulement se regarder, oui, sans se toucher. Se regarder. Dans les films de science-fiction, il y en a un paquet qu'on voit arriver des extraterrestres, puis ils te regardent, puis là, par les yeux, ils sortent de l'énergie. Oui, là, il y en a de l'énergie qui sort des yeux. L'énergie vitale, elle sort par les mains, les pieds, la bouche, la tête, les yeux, le souffle. Si vous êtes capable de contrôler votre regard, vous allez avoir énormément d'énergie vitale qui va sortir par là. Et ça va faire en sorte que vous allez devenir transparent. Et ça, c'est extrêmement épeurant pour ceux qui sont impurs, non transparents, parce que lorsqu'ils vous regardent, ils ne voient plus rien chez vous. Mais c'est ça. Il y a juste de l'énergie qui va passer. Une âme pure. Vous devez développer ça entre amour, entre amoureux, ceux qui montent en amour. On parle d'enfants, on parle d'amis, on parle de couple. Alors, on s'assoit et on regarde. On ne fait pas de synthèse, de thèse, de dialectique sur tout ce qui se passe chez soi. Il va y avoir plein de cochonneries qui vont se passer. On est investi dans un virus qui est légal. On se regarde. Essayez ça de temps en temps. Vous allez voir, vous allez devenir mot-à-dit-ment plus amoureux l'un de l'autre. En aplanissant tous les problèmes. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes présentement qui prennent des jumelles et qui regardent des gars de bord qui ont des jumelles. Qu'est-ce qui arrive? Ils pacifient entre deux. Ah, les Kanawagés, l'armée, puis les Mohawks, c'est ce qu'ils faisaient, les Warriors. À force de se regarder dans les yeux, à un moment donné, on finit par faire des barricades. Il aurait dû y penser. Rien à voir. Mais je tenais de l'inspiration à ceux qui ont des moustaches, des grosses moustaches. Bon. Qu'est-ce qui communique par le regard? Quelle sorte d'énergie? L'énergie vitale? L'énergie de l'intelligence passe par le regard. L'énergie supramentale. L'énergie vitale passe par le regard et tout ce qui fait partie de la constitution réincarnationnelle que j'appelle l'homme, donc la femme et l'enfant, de l'âme passe par le regard. Tout ce qui fait partie de l'anti-homme ne passe pas par le regard. Si, c'est évident que si vous arrivez devant quelqu'un avec un regard, vous savez, si ça serait des revolvers, vous l'auriez tué. L'anti-homme passe. Parce que si on rencontre une personne qui nous dit quelque chose, même si on ne la connaît pas, elle dit quelque chose, puis que tu dis dans ses yeux, ça disait l'inverse de ce que sa bouche disait. Il y en a que tu es capable, en regardant les yeux, tu dis non, c'est pas vrai ce qu'elle me dit. Exact. La parole dit quelque chose, puis les yeux disent d'autres choses. C'est pour qu'on doit être transparent. On détecte. On détecte quoi? Eh oui. On détecte l'anti-homme? Bien, tu vas dans l'âme. Les yeux sont le miroir de l'âme. C'est pas vrai. Les yeux sont le canal qui amène le plus d'informations à l'âme. C'est ce qui fait de toute façon que quand vous réfléchissez, vos yeux se ferment. Quand vous réfléchissez, vos yeux décollent, par exemple. Vous regardez la télévision quand on interviewe quelqu'un, là, comme ça. Pas quelqu'un qui lit un discours, là. Puis même vous autres. Mais vous vous observez pas dans un miroir, ça marche pas. Parce que quand vous regardez ailleurs, vous voyez plus ce qui se passe dans le miroir. Bon. Mais vous rencontrez quelqu'un, puis vous lui posez une question à la télévision. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, machin chouette. La prochaine réunion des belles fermières, c'est quand? La personne est là. Puis regardez bien ses yeux immédiatement. Ça va être le 8 novembre 90. Oui. L'ego ne peut pas, l'âme ne peut pas travailler dans ses mémoires si l'information rentre par les yeux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a un focus, hein, il regarde quelqu'un, et quand ses yeux partent, il est hors focus. Il n'a pas ajusté le focus avec ce qui est à l'extérieur, avec ce qui est plus loin. Il est là, il ne regarde pas le mur quand il parle, il est hors focus. Vu qu'il est hors focus, l'information rentre floue. Ça dégage l'ego fouille dans les mémoires, trouve l'information et là, il ramène les yeux pour te parler. C'est pourquoi dans certains séminaires qu'on donne au niveau du PMC, les individus apprennent à se parler en conservant un contrôle oculaire. En conservant un contrôle oculaire, on vient planter. C'est quoi ton âge? Contrôle ton système, tu vas voir que là, tu le ramasses dans l'information akashique, qui est la mémoire planétaire, et là, on aura l'information. Bon, l'individu qui est transparent, ce qu'il fait, c'est ça, c'est que l'œil est ce qui amène le plus d'informations à l'ego. C'est un canal ouvert, mais c'est aussi celui qui transmet le plus d'informations de l'état de l'âme. Ça se voit pas, on peut pas faire un livre disant, ben quand, tu sais, donc tu vois rien. Mais on sent. Tu sais. On sent des choses dans le perso. Ah oui. Alors là, vous asseyez l'un en face de l'autre, puis si vous êtes capable d'être bien, assis l'un en face de l'autre, la majorité de tous les problèmes que vous avez réglés vont se régler d'eux-mêmes par les yeux. Ça va communiquer. Et là, vous allez ramasser de l'énergie en amour. Une autre façon. L'autre façon, c'est le contact des pieds. Je ne parle pas du couple, là. Je parle des pieds. Ici, là. Parce qu'il y en a qui vont dire, tu parles de l'homme ou de la femme, c'est les pieds. Traiter de pieds. Le contact des pieds. Alors, vous vous couchez, préférez être couché. Il y en a qui vont dire, moi, c'est long, pas assez grand, mon lit, pas assez grand. Si les deux sont debout, puis les quatre pieds se touchent, ça va aller bien mal. Ouais. Couchez. Suivez-vous mes techniques. Pas aussi. Il brosse en acier, puis ça. C'est dangereux. Vous savez, il a essayé avec sa broche en acier de peigner sa moustache. Ouais. Plus de moustache, hein, parce qu'il y a une moustache avant. Bon. Alors, on se couche, les pieds légèrement écartés, et on place les deux plantes des pieds une sur l'autre. Donc, on doit s'approcher un peu, le talon se touche, les pieds se touchent. Là, vous commencez pas à jouer du piano avec les orteils de l'autre. Ça. Puis là, ben, vous allez juste simplement rester comme ça puis attendre. toujours avec les individus avec qui on s'aime, avec qui on est en amour, on est monté en amour, les enfants, etc. On peut le faire à 3 individus, donc on fait un triangle à 4, 5, 6, 25, 40, bon. Il faut un grand lit, une grande salle, il faut une salle de jeu de respect. Une réunion de pieds. C'est ça. Il y a beaucoup d'énergie qui s'échange par les pieds, c'est bon. Une autre façon d'y parvenir, vous essayez les façons. On va en donner quelques autres aussi pendant la deuxième partie. La femme me peut dire que j'ai mal à la tête, là. Les pieds qui se touchent. C'est ça. Oh, mais il y en a beaucoup qui vont se replacer. Bon, on va faire une petite pause et puis je vais revenir avec d'autres façons d'aller chercher de l'énergie dans une relation qui, en plus, va nous faire monter en amour. Après la pause, c'est une discussion nez à nez. Thank you.